Si ce pauvre garçon fut élevé négligemment, il n'en fut pas ainsi de son frère. Et les enfants des rois ne sauraient être soignés avec plus de zèle que je le fus durant mes premiers ans, idolâtrés de tout ce qui m'environnait, et toujours, ce qui est bien plus rare, traités en enfant chéri, jamais en enfant gâté. Jamais, une seule fois, jusqu'à ma sortie de la maison paternelle, on ne m'a laissé courir seul dans la rue, avec les autres enfants. Jamais on n'eut à réprimer en moi, ni à satisfaire, aucune de ces fantasques humeurs qu'on impute à la nature, et qui naissent toutes de la seule éducation. J'avais le défaut de mon âge. J'étais babillard, gourmand, quelquefois menteur. J'aurais voulu des fruits, des bonbons, de la mangeaille, mais jamais je n'ai pris plaisir à faire du mal, du dégât, à charger les autres, à tourmenter de pauvres animaux. Je me souviens pourtant d'avoir une fois pissé dans la marmite d'une de nos voisines, appelée Madame Clos, tandis qu'elle était aux prêches. J'avoue même que ce souvenir me fait encore rire, parce que Madame Clos, bonne femme au demeurant, était bien la vieille la plus grognon que je connus de ma vie. Voilà la courte et véridique histoire de tous mes méfaits enfantins.